La vie est lente à nous montrer, nous choisir. La vie est lente à désigner l'endroit pratique, le coin choisi à loisir, sur lequel on devra monter. Les jolies places d'où espérer voir autour, les beaux décors à habiter. Les jolies places vues imprenables détour, tout apparaît expliqué, même si pour les gagner, il faudra jouer des tours. Fatigué qu'on est quand on voit que les plus disputés des endroits sont pour toujours les mêmes, jamais soi. Si par hasard on en trouve un installé, pousse et arrache et tiens-toi bien. Semblable, nous voilà rassurés. Reste à dormir comme on est bien. La vie intense qui réconforte, qui veille à redouter plus jamais rien. La vie s'inquiète, fait de ses mieux et égaye. Enfin nous coince où on est bien. Jolie place d'où espérer voir autour, voir autre chose, voir un peu mieux. Les jolies places, la vie s'en charge en retour, jalouse les dévaste un peu.